Favorite podcast? Why not learn to make your own? The Pavic Museum is pleased to offer a new, fun summer camp experience. Over 3 days, students will create, produce, and perform their own podcast, which will be posted online and also aired on KFAI's Wave Project. They will learn the history of electronic communication while performing classic radio genres such as science fiction, mystery, and comedy. This camp is recommended for students aged 9 to 13. Take place June 12th through the 14th, 2019. For more information, call 952-926-8198 or visit pavicmuseum.org. All Energy Solar, full-service local solar providers dedicated to making it easy and economical to achieve energy independence. Learn if your property qualifies for cost-effective solar. More info at allenergysolar.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul. Et l'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez également nous écouter sur kfai.org. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Comme et sur les réseaux sociaux, évidemment. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir Romain. Bonsoir, bonsoir Adrien. Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est juste nous deux. Frédéric n'est pas là. Et puis, special guest. My mom, who's visiting, Christiane. She's bonjour visiting. Tout le monde. She's visiting for. Je suis là. about a month for 4 weeks, and so she will be assisting us tonight. Yes. Because if Fred is not here, we're all lost, voilà. And we need someone to, as a backup. To back us up. Yeah. That's nice. Yeah. And tell us what's happening in France, also. You know. I mean, we've been through a lot of difficult times recently, especially last week during the Holy Week, when the Cathedral of Notre Dame caught fire. But fortunately, there's a positive side to the story. The structure is sound, so yes. Apparently we're going to rebuild and everything should be back in order. Yes. But yeah. So, Romain, What do you have for us tonight? Well, we have a lot of good music. Actually, we're going to start pretty soon. I just have to get stuff ready for it. Okay. And as always, we're going to talk about the events happening this coming week in the mm-hmm. French community, mm-hmm. or French-speaking community, I should say. And we're going to talk. And how about you, Adrien? What would you like to... Adrien and I, today, we shared the playlist making task. Yes. So there's quite a few songs that Adrien picked. Yeah, it's going to be a nice mix. I picked some music from different styles and different countries. So we have some Canadian music coming up. We got some French music. We got some different styles of French music, so that keep it interesting. But yeah, it's been it's fun. It's fun. Christian, so how is the trip going? Comment ça se passe le voyage ici en famille? Oh, c'est toujours très réussi. J'adore venir ici, comme toujours. Ça fait des années que je viens dans le Minnesota, et je me sens chez moi. J'y passe 2 mois par an. Et vraiment, déjà, plus l'avion approche de Minneapolis, plus je me dis, ça y est, j'arrive. Et je me sens vraiment chez moi. Je sais que je vais atterrir. Là, je suis toute contente. Et je m'y plais toujours autant. Je n'ai jamais déçue. So she said that she feels like home here. Every time she comes, it's like, in a way, coming back home. And she really enjoys being here about 2 months a year. So, of course, if I were to say something that would be totally different. Mm-hmm. no, I'm kidding. She's a very good guest. So, all right. So we're going to start with three songs that, let me see. Yeah, you picked Anaïs. Yes, with, Anaïs. Mon cœur, mon amour. Yes. Then we're going to. then we're going to listen to a couple of songs by Christophe, because he actually released a new album recently. We're going to listen to two of his classics, with Les Mots Bleus, mm-hmm. which, by the way, the words, not the music, were written by Jean-Michel Jarre. Really? Yes. And also, we are going to play Aline, which is like his biggest, his breakout song. We're going to start with Anaïs, Mon cœur, mon amour. Lèverie, n'a plus de crème pâtissière. Coucou.

j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié. Et voilà, nous sommes de retour. So we are back and we listen to three songs. Mon cœur, mon amour, My Heart, My Love, by Anaïs, followed by two songs by Christophe with Les Mots Bleus, The Blue Words, and Aline, which does not translate. It's a girl's name. Yes, so we have quite a nice selection for tonight. Yes, yes. So, actually we have people in the studio fixing one of the mic. Yeah. one of the mics, yes. Yes. So if we don't know what to say, I guess we'll just interview. No. he's busy working on the mic and that's great. So we can have more guests next time. Yes. Voilà. All right, so we could actually move on to a little bit more music, and actually we have more songs that Adrien picked. It's another Christophe, but not the same Christophe Maé. Oh yeah, yes. And actually, it's a little like personal note. It was my grandmother would have turned 103 yesterday. Oh, and she loved Christophe Maé. Yes. So really? Yes, yeah. So we're gonna play three songs by Christophe Maé, who's from the south of France, mm-hmm. and he has a very distinctive voice. Yes. So the first one will be "Dingue, Dingue, Dingue," which mm-hmm. is crazy, crazy, crazy. Mm-hmm. Followed by "Il est où le bonheur?" Where is happiness? Il est là. Right here. Yeah, right here. And the third one will be Mon Petit Gars, a little dude, that will, so that will finish that series of three songs by Christophe Maé. Ready? Yes. Let's go. C'est parti. Je sais qu'en

tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur. Il est là. Il est là. Il est là le bonheur. Il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs. J'ai pas vraiment le temps de jouer à la poupée. Alors mon enfant ne m'en veut pas. Je rattraperai ce temps-là, je te promets. Mais en attendant, ouvre le tiroir du bas. Tu y trouveras au fond bien caché quelques-uns de mes vieux soldats. Mais attention, tu n'as pas le droit de les casser. Ces soldats veillent sur toi. Et je te vois comme un grand guerrier qui ne tire pas de peur de blesser. Et je te vois comme un grand guerrier qui rit aux éclats devant toute une armée, devant toute une armée. J'ai pas vraiment le temps de corriger tes cahiers, mais mon enfant ne t'en fait pas. Si ce n'est pas parfait, je serai là pour gommer. Mais en attendant, lis cette histoire-là. Tu découvriras la vie du petit poussé qui a peur de se perdre dans ses pas. Mais pour toi, pas la peine de semer. Oh non, je l'ai déjà fait, c'est comme ça. Et je te vois comme un grand guerrier qui ne tire pas de peur de blesser. Et je te vois comme un grand guerrier qui rit aux éclats devant toute une armée. Pour demain, je souhaiterais qu'une chose, que tu laisses tomber les soldats. Finalement, pas grand chose, que tu restes un bon petit gars. Et je te vois comme un grand guerrier qui ne tire pas de peur de blesser. Et je te vois comme un grand guerrier qui rit aux éclats devant toute une armée. Oh, et je te vois comme un petit écolier qui ne se bat pas de peur de blesser. Oh non, non, non, non. Et je te vois mon pote, mon enfant, mon petit gars, mon confident. Je te vois mort de rire dans la cour de récré. Oh, et je te vois, bras dessous, auprès de celle qui t'éloignera certainement de moi. Oh, oh, oh, oh, oh. Et je te vois. Et voilà. We are back. We are back and we have Romain here in the studio. And Adrien. Adrien est là et Christian est là tonight. Yes. Christian, Romain's mom. She is visiting from France. Yes. And having a great time. And she picked a great moment because the weather is just absolutely amazing now. Yes. Even though you came, when did you arrive? You mentioned, when did you arrive? Quand est-ce que... Je suis arrivée le mercredi 10. So it was on the 10th, so that was... Je suis juste à la moitié de mon séjour. Parce que je repars le mercredi 8 mai. So halfway through, juste la moitié. Yes, through the vacation, and you arrived just the day before the storm, didn't yes. you? Exactement. Yes, you did. Oui. Voilà. So you've seen the whole spectrum. L'avion a atterri à midi, juste, et on est sorti de l'aéroport avec Romain. And it started to snow. Yeah, like midi one. Deux. Yeah, yeah. La neige arrivait tout de suite avec moi. Mais it wasn't snowing in France. Non, c'était no. déjà le. So you didn't c'est bring déjà it. Le printemps. Nous. Bah oui, je ne sais pas. Je l'ai attrapé. Non. Je l'ai prise en route. Je sais pas. Peut-être. Yeah, oui. When they fly over, you know, Iceland. Oui, know. Oui, oui, oui. No. Well, speaking of weather, Adrien, you're from Cannes, which is always beautiful there, and Henri Salvador, that we're going oui. to listen to now, was crazy about playing pétanque, and oh, yes. He was playing in Cannes a lot. And yes. you said you had a story about yeah, Henri Salvador. Well, yeah, he was playing. You know, he was very famous globally, of course, but in Cannes, he was known as a very approachable. Man, a very very nice nice man who was playing pétanque with the locals and having a good time, but really loved pétanque, was really serious about it. And so yes, I have friends who played with Henri Salvador pétanque, and I think he was inspired throughout the songs you'll see, but he was inspired by a lot of different areas around Cannes and mm-hmm. around in the south of France. He has one song that is called Baume les Mimosas, oui. which is very close in the south of France. Yes, and actually the first song we're going to listen to is Jazz Méditerranée. Ah, yes. So jazz, the Mediterranean sea or region. Then it's going to be Twist SNCF 1962. Fun song. Yes. The SNCF different for those style for listeners who don't know, SNCF is the French equivalent of Amtrak. I mean, that's the train, the railroad managing company. Mm-hmm. And then it's actually a song that my mom, actually she could sing it along. They used to sing it to me when I was a little boy, which is not that long ago. It's a chanson douce. Mm-hmm. So we're going to start with Jazz Méditerranée. C'est parti, mon kiki. Jazz Méditerranée, tous les flanflans, les airs démodés, une orange pressée. Jazz Méditerranée, il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette un sort. On voit l'étoile du nord. Tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux. Et la croisière, c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée. Courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Jazz Méditerranée, une dernière valse, un dernier baiser avant d'arriver au port. La nuit regrette encore. On voit le sémaphore. Tu fais un vœu, je te fais mes adieux. Et la croisière, c'est fou, ne s'amuse plus du tout.

toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Et voilà, nous sommes de retour. On s'est presque endormi. Yes. Voilà, il fell asleep. And so we listened to three songs by Henri Salvador with Jazz Méditerranée, mm-hmm. Followed by Twist SNCF from 1962, and then une chanson douce que me chantait ma maman. That's exactly the words. It was really like a kind of a lullaby. That, mm-hmm. Henri Salvador, yes. Maybe he was singing that to make his opponents fall asleep when he was playing pétanque. Here we go. So he could move the, what do you call in English, the cochonnet? The little wooden. I'm not sure. Well, let's call it the cochonnet. The cochonnet. So Adrien is going to look that up because, well, we need to also bring that. Word general of the knowledge. Day. Yeah, word of the day, the cochonnet, which, and I know the word, but I just can't put my finger on it. So, and actually, you're not supposed to put your finger on the cochonnet during a game. So, so we are going to listen to three songs by an artist that I don't think we've ever listened to any of his songs on the show. That's Elie Semoun, who's especially popular in France, but not as a singer, as a comedian. And so he released a couple of albums, and his latest one that he released late 2018 is pretty nice. They are beautiful texts, and the melodies are pretty soft, and I mean, it's very good, like, you know, background music. And so the first song will be Des Paroles en l'air, followed by Tabou with Alizée Lalande, who's a female singer who sings that song with him, and then Mademoiselle Jojo, Miss Jojo. So let's listen to Elie Semoun. Ce soir, je voulais t'écrire la plus charmante des chansons, mais au moment de tout te dire, devant mon cahier, je me sens con. Je glisse le long de la page blanche et me rattrape au flocon. Il y a tant à dire que je flanche au creux de ma main. Ça fond, je me passe toutes les séquences de mon cinéma de minuit. Tu ris, tu pleures, tu chantes, tu danses sous la lune, le soleil, la pluie. Une brise, des volets qui s'ouvrent, le printemps s'invite toujours. Les paroles, c'est lui qui les trouve. Les miennes ne sont d'aucun secours. Ce soir, je murmure tout bas les neuf lettres de ton prénom. C'est la mélodie qui te va. La voici ma déclaration. c'est la mélodie qui te va. La voici ma déclaration. Je vous avoue, je suis à bout. Tous mes tabous tombent quand je suis à vous. Laissez-moi venir à bout de vos tabous. Un mot de vous et je suis tout à vous. Avec le feu, avec le peu de ce que je sais de vous. Je veux mettre bout à bout tous vos tabous. Avouez-moi tout, laissez-moi venir à vous. Mais ce que je veux de vous, je vous dis tout. C'est tout de vous, c'est tout de vos atouts. Mais vos tabous ne sont qu'à vous. Tabous, je joue avec le feu. Mais vos tabous ne sont qu'à vous. Tabous, je joue avec le feu. Avec le peu de ce que je sais de vous. Mais vos tabous ne sont qu'à vous. Tabous, je joue avec le feu. Avec le peu de ce que je sais de vous. Casque aux oreilles, lunettes au nez, chignon fait devant. Mademoiselle Jojo chaloupe entre les passants. Fouille les poches de son manteau de pluie et trouve un mot perdu, plein de poésie. Retrouvez-moi au bord du lac à 23h sur la jetée. Je me dois de vous expliquer pourquoi je n'ai pas su vous aimer. Algue ondulante, sirène bleue, fleur de béton, repousse les sourires enjôleurs des cons. Taille cambrée, arrogante brindille, je fine dans la boue, un diamant qui scintille. Retrouvez-moi au bord du lac à 23h sur la jetée. Je me dois de vous expliquer pourquoi j'ai eu peur de vous aimer. Dans le métro, entre la muette et gaieté, jeune homme, vous n'auriez pas dû déconner. C'est trop tard, vous ne serez pas mon époux. Je ne viendrai jamais à votre rendez-vous. Retrouvez-moi au bord du lac à 23h sur la jetée. Je me dois de vous expliquer pourquoi je n'ai pas su vous aimer. Voilà, we are back. We are back, yes. We've had a little technical concern. Just we're sorry if there you are some, cannot yeah, hear. There are some tracks that appear to be playing in mono instead of stereo. So I don't really know what's going on. Not all of them. And they've all, you know, they all have the same format. So we don't know. So we apologize if you hear any difference. I do because I have a, headphones mm-hmm. on. Mm-hmm. So it's pretty obvious. But so our apologies. Nos excuses. Well, we've been on the air for almost an hour. And maybe we have time to listen to one song before the 9 o'clock. Okay. And it's a song that you picked, Adrien, which is by Helmut Fritz. Yes, I know it doesn't sound very French. And the song is Ça m'énerve. C'est parti. Ça m'énerve, it bugs me. Toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'entre au coste boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles qui portent la frange à Kate Moss. VIP, y'a plein de Lamborghini. Moi j'arrive sur mon Vespa. On me dit tu rentres pas. Mais ça m'énerve. J'entre chez Weston. Une blonde asse au téléphone me dit: je peux vous aider? Non, je vous ai pas sonné. Elle m'énerve. Mon Dieu, elle m'énerve. J'ai bu le mojito au milliardaire. J'ai tout vomi par terre. ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi, ah, c'est la guerre. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Toutes celles qui dansent le dance floor comme des princesses. Si t'as la blancard, ben tu verras leur fesse. Ça m'énerve. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 09 80 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis St. Paul and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Voilà, so... Hello again for those of you who are joining us right now. So it's Bonjour Minnesota on KFAI mm-hmm. Radio. It's Adrien is here. Romain. Hello. Au platine. Yeah. Et Christiane. Christiane. Who's here with us here for the 2 hours. She might actually come and visit us again sometime before she leaves. So maybe in a couple of weeks. Should we listen to a few more songs now, or would you like to discuss I'm not asking our listeners, I'm asking Adrien to discuss about some of the events that are coming up. Sure, let's talk about a few events now, and then maybe go back to some music. So we have coming up this week, we have the Wine Club, Vin d'Alsace. This is an event that is taking place and organized by the Alliance Française, and that is at their location. There is a fee that is associated to this. Join the Alliance Française for wine tasting and lesson in French at the Alliance Française in preparation to the upcoming trip to Alsace and Burgundy in May. So this will take place tomorrow at 6:30. There is another event going on Friday, and that is related to cinema. This is Ciné Club with a movie that is Qu'est-ce qu'on attend? There is a participation associated to that. It starts around 6, and it is a documentary from 2016 that's about 2 hours long. It is in French with English subtitles. It is free. And if you want, there is a donation suggestion associated to that event. All donations are appreciated and help support the Alliance Française cultural events. Another event, there was a French, Canadian, and Métis music bundle and go will be presenting music of Quebec and traditional music of the Métis people of Canada. So there are two dates April 28th, so Sunday, and then May 1st, which is the following Wednesday. So this performance presentation will be about the wonderful traditional music of the Métis people of Canada and the Northern United States. The presentation will be on Sunday, April 28th at 1 p.m. at Waldman's Brew House and Westery, which is on Smith Avenue in St. Paul. You need advance tickets. They're available through Eventbrite, and we will share that on our Facebook page, which will guarantee a place in the intimate, historic Buffalo Room. And space is quite limited. And on the first, it will be a repeat performance. And it will also be held at Waldman's on Wednesday, May 1st at 1 p.m. And reservations are advised, recommended. Oh, and actually, I didn't go far enough. There will be that's it. So for the Music of Canada. So any other events? Yeah, we have a few more events happening with the Alliance Française. We have Le Jour de la Terre, c'est tous les jours. That will be on April 27th. It means Earth Day is every day. It's on Saturday at 2 p.m. And our friend Delphine Pedarski de la Salle, who visited us a few weeks ago with her zero waste, the zero kit, she'll be presenting there, and she will also be having activities for children and older kids and grown-ups to understand what zero waste is and why the earth needs to be protected. There is a fee associated to that event. But please look for it. It's intergenerational, and it's gonna be about Earth Day. Finally, on the 28th, we have l'incontournable apéritif. It is Méritage. French at Méritage, taking place at Méritage. It is apéritif and conversation going on. Everybody is welcome. And on April 30th, we have the visit of an author, Kenneth Farmers, chez Betty. And that's going to be on April 30th at 6 at the Alliance Française offices as well. And that event will be free. Join the Alliance Française for a reading and conversation on criminal justice in France through the lens of author Kenneth Farmer's newest novel. Book reading and talk will be in English, even though the author is a francophone. That's it for this week. Okay, well, that's already a pretty busy week. If you decide to do all those, to go to all those events, that's a pretty busy week. The next three songs, we're going to listen to Jane Birkin, who was Serge Gainsbourg's wife, and Charlotte Gainsbourg's mom. I think it was a couple of years ago she released an album, and she actually did a tour with a symphony orchestra where she, I don't know if covered is the right term, but she sang some songs written by Gainsbourg with a symphony orchestra. So we're going to listen to three of those songs. The first one is La Chanson de Prévert, Prévert's song, followed by La Javanaise. And the third one was not sung by Gainsbourg, but written by Gainsbourg for Isabelle Adjani, the actress. And it's the pull marine, which means a dark blue sweater. So c'est parti avec La Chanson de Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est ta préférée? Et Cosma. Et chaque fois, les feuilles montent, te rappellent mon souvenir. Jour après jour, les amants mentent, n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais la chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À celle-là, il n'y a rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mentent. Te rappelle mon souvenir. Jour après jour, les amants mentent, n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vient l'hiver, et que la chanson de préfère, cette chanson, les feuilles montent, s'efface de mon souvenir, et ce jour-là. Et ce jour-là, mes amants mentent, en auront fini de mourir. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant là, j'avenais. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant là, j'avenais. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir qu'on vous cet amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avanise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avanise. Nous aimions le temps d'une chanson. J'ai touché le fond de la piscine, dans une petite bulle marine, tout déchiré au cou, mais j'ai pas voulu recourir. Et tu m'avais donné, je me sens tellement abandonnée. Y a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux semblent marines. Tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard, et t'avais répliqué. Maintenant je paye l'effet de temps. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler que mes pentes, si l'on me trouve à moitié morte. Noyée au fond de la piscine, personne ne te voyait. Sous mon petit pull marine, mon lacet, je t'embrassais jusqu'au point de mon retour, plutôt aux limites de notre amour. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. Thank you. piscine, repêcher ta petite sardine, l'empêcher de se noyer, au fond de toi la garder, petite sœur traqueuse de l'air de ton air amoureuse. Si nous deux, c'est au fond de la piscine, la deux des magazines se chargera de notre corps, et je n'aurai plus qu'à mettre les verres fumés pour montrer tout ce que je veux cacher. Retrouve-moi au fond de la piscine avant que ça m'assassine de continuer sans toi. Tu peux compter sur moi, je te ferai plus le plan de l'instinct. Il y a toujours ces coups de cafard. Dans ton petit pull marine, we are back. Yes. For those three songs by Serge Gainsbourg, sung by Jane Birkin with the Symphony Orchestra, with La Chanson de Prévert, Prévert's song, followed by La Javanaise and the Pull Marine, which is a dark blue sweater. Actually, Isabella Gianni. I think that's really, I think, the only single that Isabella Gianni released, and that was that song that was a very big hit in the early 1980s. So, well, we're going to move on to a different era, a little more recent, with songs that you picked, Adrien, Gérald de Palmas, with Au Paradis, In Heaven, followed by Au Bord de l'Eau, by the Water. And then it's going to be a song by Gérald de Palmas, but a song by Les Enfoirés, the group of French celebrities that we mentioned last week. And they sing every year. There is a double CD and like five shows that they put together, and all the proceeds go to Les Restos du Cœur. So the song that Les Enfoirés sing by De Palmas is J'en rêve encore. So let's start with Au Paradis. On y va. C'est parti. Bye. Join Telsner Artist Lofts and KFAI at a free family-friendly event in St. Paul's Lower Town Artist District for the 28th year of the St. Paul Art Crawl. The event will be held Friday evening, April 26th through Sunday afternoon, the 28th. More than 30 visual artists, live music and performances all weekend, with a special after-hours concert on Saturday at 8 p.m. with Savage Oral Hotbed. Tickets available at the door. Telsner Artist Lofts is located at the corner of Kellogg and Broadway in Lower Town St. Paul. And check us out on Facebook at Telsner Artists Co-op. Dans le jour à peine éclos, alors qu'il fait déjà chaud, je suis parti. Ne pas affronter la ville, je ferai le tour de l'île, c'est mieux ainsi. Au vent de l'eau, il y a cette vie qui m'appelle. Elle me trouve beau. Au vent de l'eau, je passe des heures avec elle. Sans dire un mot. On ne me remarque plus, une ombre au coin de la rue, un être à part. On s'amuse, plein, rien de tout ça ne m'atteint. Oh non, car quelque part, mais au bord de l'eau, il y a cette vie qui m'appelle. Elle me trouve beau. Au bord de l'eau, je passe des heures avec elle. C'est tellement de temps à faire mon intéressant qu'un soir je me suis perdu. Voilà ce que je vais faire, aller au bout de la terre, l'océan à perte de vue. Et au bord de l'eau, il y a cette vie qui m'appelle. Je passe des heures avec elle, sans dire un mot, sans dire un mot. Je suis presque mort. Quelques mois et c'est bon. Supprimer les traces, moindre trace, ce qui reste de candeur. Saute classe à la place du cœur. Et même si je m'améliore, oh, ne plus rien sentir. Inconscient minéral, plus le moindre désir, plus de peur que de mal. Même si je m'améliore, sachant que j'ai tort, oh, j'en rêve encore. Encore, encore, encore. Vivant mais mort, n'être plus qu'un corps. Quelle énergie, hein? Oh, oh, tu l'as dit. Les enfoirés. Donc, so three songs by Gérald de Palmas, Au paradis, in paradise, followed by Au bord de l'eau, or By the water, and the last one sung by Les enfoirés, J'en rêve encore, I still dream about it. And we have another like 25 minutes. We are going to listen to some more songs. We like to be eclectic. So I was thinking that we could listen to two songs by Frédéric François, who's, my mom likes him. Ah. Frédéric. Frédéric François is actually he's Belgian, but of Italian descent, and he's been around as not alive, but as a singer for almost 50 years. So, and he's still very popular with usually the older generation. I would like to play two of his most popular songs, Je t'aime à l'italienne, I love you in the Italian way, and Mon cœur te dit je t'aime, Mon cœur te dit je t'aime, My heart tells you I love you. So let's go with Frédéric François. But first, we're going to play an announcement. KFAI would like to spend Tuesday evenings with Fresh Air Community Radio. Connect with Mr. Behe on Somali Link Radio at 6 p.m. Tap into the literary scene with Write On Radio at 7. Get a dose of French culture on Bonjour Minnesota at 8. And have a Balkan Jamboree with Nikolai at 10. Stick around. You never know what you'll hear next on KFAI.

à nouveau tes yeux m'éclairent. J'ai ta lumière en couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur Are you using the KFAI mobile app? If not, you're missing out on the easiest way to bring fresh air with you wherever you go. Stream live and archive programs and podcast directly from your smartphone, tablet, or other mobile device. Our most recent app updates includes a link to your KFAI member card, which offers you special discounts at participating member businesses all over the Twin Cities. Find the KFAI mobile app on Google Play and the App Store. Et nous sommes de retour. Voilà. We are back. We are about 15 minutes away from Balkan Jamboree with Nikolai. Yes. Time for a few more songs. Mm-hmm. We just listen to... Yes, oh yeah. Well, I have to back announce. We listen to... two songs by Frédéric François with Je t'aime à l'italienne. Mm. I love you the Italian way. And Mon cœur te dit je t'aime. My yeah. heart says I love you. We're going to move on to Daniel Balavoine. All right. If you agree. Yes. With three songs. So one is Quand on arrive en ville. Which mm-hmm. Is actually the from Starmania, live, yeah, from the first version of Starmania. There were three, so 1978, I mm-hmm. believe. I'm probably wrong, but it was the late 70s. With Daniel Balavoine. then two songs. In a tribute collection that was called Balavoine with an S, with a final S. The first one will be Vivre ou Survivre, which you picked, but sung by Scheim. And the second one that I picked, Tous les cris, les SOS, or the cries and SOS by Zaz. So let's start with Quand on arrive en ville, if I can find it. I don't know where it is. So we're going to start actually with Vivre ou Survivre by Scheim. C'est okay. parti. Dans les yeux

And so let's say bonne nuit, bonne soirée, bonne soirée, bonne semaine. Santé. Bonne merci semaine maman d'être venue. Merci. C'était un plaisir. Toujours. And we'll see you next week with a guest, African Voices of Paris. And until then, have a good night, have a good week, and we'll listen to a couple more songs until the very end. With we're going to listen to Raphaël with Caravan, and again, if I can find it, why is my well, if I can find it, that's okay. Was going to listen to a couple of songs by Olivia Ruiz from her latest album, with La Voleuse de Baiser, The Kiss Thief, followed by Le Calme et la Tempête, The Calm and the Storm, which is also the title of the album. And if there's time, but I don't think so, will be Mon Petit Chat, my little cat, and it's a remix with Buck 65. So let's go with Olivia Ruiz. Des bonbons. Rien de prémédité, elle écoute une pulsion. Elle vole de premiers baisers comme on dénude des mystères. Leur arôme est pimenté, les suivants l'indiffère. Dans sa bouche, un goût de fièvre quand elle trouve un joli pigeon. Sans changer d'un fossile. Elle vole des premiers baisers à des hommes à frissons. Elle se voit ce halo qui entoure les bons. Dans sa bouche un goût de fièvre quand elle trouve un joli pigeon. Parfois dangereux, dans le ventre des garçons, ça attise le feu. Alors elle change de quartier, déménage souvent, pour ne pas se priver de ce jeu enivrant.